Un mal, chapitre 31. Rude journée pour Cachaprès que celle de cette dernière quinzaine. Le bougre ne décolérait plus, farouche, avec des révoltes contre les hommes et Dieu. Les jours et les nuits avaient passé sur cet après-midi où il s'était donné de si furieux coups de bec dans la maison de la Cougnole, et elle n'était plus revenue. Fille damnée! Il l'aurait voulu voir traînée en enfer par des démons, rôtissant dans les flammes, et lui-même emporté avec elle, narguant ses tortures. Ses instincts de sauvage réveillés lui faisaient comploter des atrocités, des mortifications terribles. Une Germaine, saignante et suppliciée. Elle s'était jouée de lui, sûre comme il y a un soleil là-haut. Il avait été le héros berné d'une farce ourdie par elle, et ce haillot. On lui avait fait accroire ce qu'on avait voulu. Et il se rappelait sa froideur, ses paroles énigmatiques, cette attitude de personne contrainte qu'elle avait fait paraître si souvent. Eh bien, soit, tout serait dit. Lui, Cachaprès, ferait une croix sur le passé, mais une croix à sa façon, qui pourrait bien être du même coup celle qu'on mettrait au cimetière sur cette Germaine détestée. Aussi bien, il était là de colporter partout avec lui cette blessure. Une bête blessée, ça se refait dans les bois, mais sa plaie à lui n'était pas de celle qui guérisse. Il en avait assez de l'attendre éternellement, souhaitant sa chair et étant déçu. Ce n'était plus vivre cela, et le reste de la création n'était pas assez désirable pour qu'il pût se rattraper ailleurs de ce bonheur qui le fuyait comme une proie insaisissable. Elle lui avait fait prendre en dégoût son métier. Sa vie d'homme libre lui semblait abominablement vide à présent. Le bois et ses silences lui pesaient. Il était sans convoitise pour le gibier. Laissait passer avec indifférence les hardes agiles qu'il pourchassait autrefois. Il avait en outre des tristesses nouvelles, inconnues. Il pensait à son enfance vagabonde et solitaire, aux siens qui, comme lui, avaient vécu dans les bois, un peu moins bien que les sangliers et les loups. Triste, rude, défiant, nuitant dans des huttes semblables à des tanières, ne connaissant ni le bien-être, ni même la détente, sans désir, fermé à tout, à l'amour des jolies filles, à l'abondance du cellier, à la belle nourriture, trimant ensemble sans savoir pourquoi, mettant en bas leurs enfants comme des petits sauvages, sournois, sombres, finalement conduit à la fosse sans cortège, seul au dernier, comme au premier jour. Alors que d'autres, les haillots par exemple, les hulottes aussi, naissaient dans de bonnes et grasses fermes, étaient choyés dès leur bas âge, grandissaient au milieu de l'estime et de la joie, faisaient plus tard les messieurs, se mariaient avec de belles femmes, et à leur tour avaient des enfants, qui croissaient en gaieté comme eux. Il y avait donc sur la terre des gens qui ont tout et d'autres qui n'ont rien, des crèves la faim qui claquent des dents sur les routes et des richards cousus d'or qui s'entonnent à baffrer au coin de leur feu. Ce n'était pas d'hier que cette inégalité existait, il le savait bien, mais elle avait glissé sur sa cervelle sans y laisser d'empreinte, tandis que maintenant elle sonnait en lui la révolte. Il était de ceux qui, dès le ventre de la mère, sont dépossédés de tout. Iniquité! Iniquité! N'était-il pas une créature humaine pourtant? Est-ce que parmi les animaux des bois, les uns ont plus et les autres moins? Est-ce que dans la société, comme au fond des forêts, il ne faudrait pas la portion égale qui assure à chacun le dormir et le manger? Tout au moins, la richesse et la joie devraient appartenir aux hommes forts, aux êtres vigoureux, à ceux qui ont bec et ongles. Il se souvint d'un village où un homme l'ayant appelé voleur et brigand, Il avait pris cet homme à la gorge, en plein cabaret un dimanche après vêpres, l'avait terrassé et lui avait laissé sur le front, entre les yeux, la marque des clous de fer de ses souliers. Ah ! On appelait voleur et brigand l'homme qui chasse la bête au bois, comme si le bois et la bête étaient à Jean plutôt qu'à Pierre. Est-ce que le bon Dieu a mis un commandement là-dessus ? Aveugles et stupides sont les rustres des champs. Ils n'auraient qu'à s'armer de leurs fourches et de leurs faux pour être les maîtres à leur tour, avoir des biens, vivre grassement, dominer les superbes et faire leurs enfants dans l'abondance de toutes choses. Brigands, on était bien bêtes de ne pas l'être jusqu'au bout, de ne pas se mettre en rébellion contre l'injustice, de ne pas troquer sa vie de misère contre une vie indépendante et large. Pendant trois nuits, il rôda autour de la ferme des Hulottes, fourgonné par le besoin de la vengeance. Des pailles étaient amoncelées dans les hangars. Il n'aurait eu qu'à laisser tomber le feu d'une allumette. Toute la ferme aurait flambé comme une torquette de tabac. À la faveur de l'incendie, il se serait coulé jusqu'à Germaine. Et là, au milieu de la danse des flammes, dans le bal rouge d'une suprême et funèbre kermesse, il lui aurait crié « Ta maison, ton père, tes frères, tes domestiques, les bêtes de tes étables et de tes écuries brûlent à cause de toi. Hurle, démène-toi, appelle à l'aide, je te tiens, je veux voir ce que tes os feront de poussière. » Une répulsion native pour les œuvres lâches lui fit abandonner ce projet. Qu'est-ce que ces gens lui avaient fait ? Rien de mal, il n'en voulait qu'à Germaine. Un rayon de lune bleuissait les vitres de sa chambre, tandis que, caché derrière la haie, il ruminait ses idées. C'était là qu'elle dormait, là qu'elle reposait demi-nue, et il se figurait son corps superbe, couché dans la tiédeur des draps, avec l'écrasie lourde de ses seins. Un goût de volupté ardente fit bouillir son sang. Le cœur lui monta à la gorge dans un spasme. Il rêva de monter jusqu'à elle, de lui coller sa bouche aux dents, et l'instant d'après, de lui plonger un couteau dans le cœur. Le pré blanchit autour de lui sans qu'il s'aperçût de l'approche du jour, et il demeurait couché à terre, la tête dans les poings, hébété, regardant maintenant pointer dans les vitres, à la place de la lune blonde, l'aube rose qui montait. Le bruit de la porte charretière s'ouvrant le tira de sa torpeur. Il prit la fuite et tout le jour courailla par la forêt, traqué par des idées rouges. La nuit tombée, il revint prendre son poste de la veille, guettant la fenêtre de sa grande prunelle sombre. Par instants, il quittait la haie, se rapprochait de la maison, étudiait la hauteur des fenêtres. Une force le poussait. Il se sentait attiré vers cette chair dormante, de l'autre côté du mur. Une coupe de sapin avait été remisée près de la barrière du verger. Quelques-uns de belle grosseur. Il prit la plus résistante et la plaça contre le mur. Ses mains tremblaient. Il n'était pas en train. Le bout du baliveau atteignait au toit. Il l'enserra de ses bras et se mit à grimper. Mais l'arbre ayant craqué, il retomba sur le sol. Une peur s'empara de lui, si brave. Il courut du côté du bois, se croyant poursuivi. Le ciel était noir. D'épaisses ténèbres couvraient la terre. Un vent de tempête ronflait au loin avec un bruit de grondes eaux. Les basses branches, ployant jusqu'au ras du sol, lui fouettaient le visage. Il voyait osciller devant lui la masse confuse des taillis. Quelquefois le bois tout entier se soulevait, cabré sous les rafales, échevelant ses crinières de feuillage. Et constamment, le grondement profond du vent roulait, faisant au grincement des cimes une basse qui, par moments, s'assoupissait et tout à coup reprenait, finissait par étouffer les autres bruits de sa rumeur continue. Il rôda dans cette horreur jusqu'au matin. Autant que lui, la nature était bouleversée, et il se trouvait bien de la tourmente, comme d'une sympathie avec sa peine. Puis la tempête cessa, petit à petit noyée dans des averses, et les pluies durèrent 2 jours. Cachapré quitta le bois et se rabattit sur le village. Il lui restait la moitié d'un écu. Cela paya le genièvre pendant une après-midi, lui donna l'oubli à bon marché. Bah, pour une germaine perdue, combien d'autres retrouvées ? Le péquet au poivre brûlait ses veines. Il avait un désir immodéré de ripaille. Mais l'argent... Il eut recours à son habituelle ressource, le bois. Il fit 8 lieues de marche à travers ronces et genêts, pénétra dans des chasses gardées, et là recommença ce rude métier de la mort pour lequel la nature semblait l'avoir taillé. Il prit 2 chevreuils au lacet, en tua un d'un coup de feu, fit une razzia de lapins, braconnant et massacrant avec sérénité. Il avait eu soin d'aviser ses marchands, en sorte que le gibier tué prit la route de la ville à la barbe des gardes. Le soir, son gousset regarni, il s'attarda dans les cabarets, payant bouteilles, larges, magnifiques, aimant à imposer aux paysans par de grandes allures. La bière, le genièvre, le vin le détendirent. À boire et à fanfaronner, il usait sa peine. Quelquefois, mêlant à la soûlerie des casses qu'il payait sans compter. Sa grosse vanité de gueux s'en donnait à cœur joie dans ses rigolades. Il faisait sonner haut ses dédains pour la canaille des champs. Il défiait les gendarmes. Il comptait des aventures. Toute prudence abolie, il prenait des pauses au bord des tables, debout, la tête en arrière, stupéfiant l'assemblée par ses rodomontades. Il fumait des cigares, jetait de l'argent aux filles, s'amusait à les dépoitrailler, puis les plantait là, ironique, désespéré à l'égard de l'amour. La noce l'étourdit sans le griser. Il arrivait même que la bière, au lieu de l'égayer, la bêtissait d'un noir chagrin. Il se mettait à l'écart dans ces moments, ruminant des souvenirs, la tête dans les poings. Il était pris du dégoût de la vie. Il eût voulu être une charogne séchant au soleil, au milieu d'une clairière. Il frappait le vide de ses poings. On regardait saigner le colosse curieusement. Quelqu'un s'étant avisé de le plaisanter un soir, il se fâcha. Il eut une dispute qui aurait tourné à la rixe, sans les paysans qui arrachèrent le plaisant d'entre ses mains. Il haussa les épaules, disant que s'il voulait, il casserait les côtes à toute la bande. On le laissa dire. Il jouait, aimant les surprises du gain et de la perte. Tout ce qui était apaisement à la blessure intérieure le trouvait prêt. Il multipliait les paris. Une fois, il paria de prendre sous chaque bras un sac de pommes de terre et ainsi chargé d'aller danser sur la place. Il gagna sa gageure. Une autre fois, il paria de boire une pinte de bière par minute et de recommencer 10 fois coup sur coup, et il gagna encore. Ensuite, il fit porter un défi à un tonnelier du village qui passait pour n'avoir pas rencontré son égal en force. Le tonnelier, homme paisible, refusa d'abord. Puis, poussé par ses amis, accepta. On choisit un enclos pour se battre. Le tonnelier ôta sa veste et la mit sur la haie, après l'avoir soigneusement pliée. Il était bâti en Hercule. Ses épaules massives et rondes formaient du côté des omoplates 2 boules immenses. Ses muscles ressemblaient à des paquets de nœuds, bourrelant la peau inégalement. Le rude homme se mit en garde. Cachapré se lança. Une première feinte lui réussit. Il porta vivement les mains en avant, comme pour frapper à la tête. Le tonnelier para, découvrant le bas de son corps. Agile comme l'écureuil, l'autre alors empoigna sa jambe gauche et lui passant son jarret derrière la droite, le culbuta. Ce fut un choc terrible. Un bœuf s'abattant n'eût pas frappé le sol plus lourdement. Le tonnelier se releva. Cachapré, campé, l'attendait. Tous 2 se nouèrent. Il y eut de courtes passes, puis l'Atlante souleva de terre le braconnier et le tint un instant suspendu. Il était le plus vigoureux, incontestablement. Mais Cachapré était plus rusé et plus alerte. D'un coup de rein formidable, il se débarrassa et, sans perdre une seconde, profitant d'une hésitation de son vaste partenaire, il le prit en travers du corps et le coucha sous son bras. Le tonnelier était bon enfant. Il fit la moue d'un homme qui s'avoue vaincu. Il soufflait, ses pectoraux jouaient comme un soufflet de forge. Cachapré, lui, tranquille, le souffle égal, sans trace d'animation, lampait un verre, dédaigneusement. Mais le colosse se rattrapa au poids. Il paria de lever, à bras tendus, une souche d'arbre qui gisait dans l'enclos. Il empoigna en effet la souche, la remuant un instant, cherchant le point d'attaque, et lentement la leva, ses biceps roulés dans ses bras comme la boule sur la planche d'un jeu de quilles. Cachapré essaya à son tour. Il ne put que hausser la souche et la laissa retomber. « Chuis !» fit-il, et il paya l'enjeu du pari doublement. Le tonnelier offrit alors de soulever une génisse sur son dos. Personne ne voulant prêter la génisse, il proposa de lever un cheval. Mais il y eut une prudence semblable à l'égard du cheval, et finalement, riant de son gros rire, il alla à une charrette chargée de paille et gagea de la tirer. « Ça va, fit-on. » On attela le tonnelier. Un collier de cheval fut passé autour de sa nuque toute droite, ourlé de fanon, et il se mit à piétiner, s'efforçant d'ébranler les roues. Elles bougèrent d'abord à peine, puis décrivirent un cercle, et la charrette se mit en mouvement. Les veines saillaient au front du drille, qui, suant, rouge, enflé, s'inclinait verticalement, tirant de toute sa force. Des mains claquèrent, on cria bravo. Malheureusement, au bout du clos, le terrain déclivait en pente légère. Le roulement des essieux s'accélérant subitement obligea le tonnelier à changer d'attitude, et retenant cette fois sa charge au lieu de la tirer, il s'arc-bouta, ses talons enfoncés dans le sol. Mais la charrette continuant à glisser, les reins du tonnelier plièrent. « À moi !» cria-t-il. Cachapré bondit, se pendit aux roues. L'énorme masse s'immobilisa. Une courbature avait pris le tonnelier en travers du dos. Il lâcha prise. À deux ensuite, ils firent remonter la charrette jusqu'à la remise. Cette vie de dépense et de parade s'alimentait du gibier tué chaque matin. Il appelait le bois son capital. C'était de là que lui venaient ses rentes. Et il narguait les braconniers ses confrères qui, moins hardis, étaient talonnés constamment par la peur des gardes. Jamais il n'avait été plus audacieux. Il quittait la compagnie en disant qu'il allait poser ses lacs et gagner les taillis ostensiblement. Une fois là, il se dérobait. Le garde forestier de la localité était un homme déjà vieux et rongé de rhumatisme. Tout seul d'abord, il s'était mis à la poursuite du pharo. Mais autant valait lancer la tortue après l'écureuil. Il fit avertir l'administration que Cachapré ravageait les bois. Deux gardes lui furent dépêchés. Ensemble, ils se postèrent, firent le guet, s'assurèrent des intelligences dans les cabarets où ils péroraient. Des gens entrés, la mine sournoise, s'asseyaient à la table voisine de la sienne, l'écoutaient dire sans en avoir l'air, puis s'en allaient raconter aux gardes ses forfanteries. Il ne tardait pas à sortir. Il le regardait passer, sifflant, ses mains dans les poches, et calme, se glissait dans les bois d'un pas de flânerie. Un soir, en forêt, ils le virent se baisser avec le geste évident d'un homme qui attache un collet. Tapis tous trois dans les buissons, ils attendirent qu'il eût fini. Il se releva, poursuivit sa route, et au bout d'un temps, de nouveau, se baissa, avec la même attitude. Il les promena ainsi pendant 2 heures, posant ses collets de l'air indifférent de quelqu'un qui se sent protégé par l'épaisseur des feuillages. La nuit tomba, il se perdit dans le noir. Cette fois les gardes le tenaient. Chacun d'eux se posta, jugeant que l'homme reviendrait les relever au petit jour. Le matin monta, Cachapré ne paraissait pas. Ils demeurèrent jusqu'à midi. Personne. Alors ils se replièrent l'un vers l'autre, se sentant joués. En effet, tandis qu'ils se glaçaient à l'attendre dans le matin froid, lui, tranquillement, s'en allait lever les lacets qu'il avait été posés à une demi-lieue de là. Une rage s'empara des gardes, ils embrigadèrent des aides, et tous ensemble, les jours et les nuits, bâtirent les taillis. Cachaperet demeurait insaisissable. Quelquefois il était aperçu distinctement à travers les arbres, et la minute après disparaissait, devenait une ombre qui se confondait aux ombres de la vesprée. Une complicité s'établissait entre la forêt et lui. Il grimpait aux branches, se cachait dans leurs cimes touffues, ou bien s'aplatissait derrière un buisson sous les feuilles, tenant à l'aise dans le moindre repli de terrain. Brun comme la terre, noir comme la nuit, immobile, invisible, abrité par le mystère profond. Les gardes passaient auprès de lui sans le soupçonner. Une nuit, blotti dans un chêne, il les vit s'allonger dans le chemin. Ils parlaient bas, étouffaient le bruit de leurs souliers, et la lune allumait d'une paillette le canon de leur fusil derrière eux. Il les laissa passer, et tout à coup du haut de son perchoir, eut un rire saccadé qui retentit à travers les bruissements du bois. Cela les cloua sur place, comme pétrifiés. D'autres fois, alors qu'ils se morfondaient à le guetter, trempés jusqu'aux os dans la boue élondée, Cachaperet, largement carré au chaud dans une caquetoire de cabaret, se livrait à des lampées ou abattait les cartes, narguant les pauvres diables qui l'attendaient sous l'orme. Cependant le gibier diminuait. Les chevreuils nombreux à l'origine erraient maintenant par bandes clairsemées, des chevrettes rôdées inquiètes, cherchant leur faon. Les mâles clamaient après leurs femelles. Il eut un accès d'audace. Revenant du bois une nuit, tout le village dormant, il déposa à la porte du garde principal 6 paires de soles, les unes à peine naissantes, les autres nanties de larges pinces, et tout près, du bout de son doigt, il traça une vaste croix, ne sachant pas signer son nom. Le garde, à son réveil, vit cette ironie. Il eut un redoublement de surveillance. Peine perdue. Cachaperet était un jouteur terrible. Il déroutait toutes les ruses, dépistait toutes les poursuites. Tandis qu'on le cherchait à droite, il opérait à gauche. À part les gros fermiers ligués avec l'autorité, les autres, les petits paysans des chaumières, étaient pour lui et le renseignaient. Prodigue à leur endroit de bière et d'argent, il leur apportait en outre du gibier qu'ils mangeaient avec eux en secret, toutes portes closes. Ces incagades à l'endroit des braconniers le perdirent. Ceux-ci s'exaspérèrent de l'entendre déblatérer dans les cabarets, et une jalousie s'ajoutant à d'autres griefs, ils conçurent le projet de le vendre. Cachaperet, pratiquant seul, pour son propre compte, était détesté de la plupart de ses hommes, travaillant par paire ou par bande. Ce solitaire était une gêne pour eux. Non seulement ils s'appropriaient l'entier bénéfice de ses rapines, vivant d'une vie large, mais il avait un instinct du bois qui lui assurait des rafles merveilleuses. Un d'entre eux fut chargé de l'acculer dans un guet-apens. Ils trinquèrent. Il le laissa gagner aux cartes. Finalement, lui révéla mystérieusement un endroit giboyeux, lui offrant la part à deux. Le gars, malgré sa malice, accepta sans défiance. On alla fixer de compagnie les collets. Il faisait une belle nuit claire. La lune tissait entre les arbres une lumière bleue, pâle comme un duvet. Les mousses emperlées de rosée luisaient, et un peu de la chaleur du jour traînait encore dans les taillis, contrastant avec les humides fraîcheurs de la plaine. Les deux hommes se mirent à rôder par les sentiers. Ils avaient quitté le cabaret sur le tard. Point n'était la peine de rentrer, et tout en devisant et lampant une gourde de genièvre que Cachaperet avait apportée avec lui, ils attendirent les clartés de l'aube. Le ciel se lama d'argent, les bois frissonnèrent, le vent chamailla dans les feuilles. Ils entendirent l'éveil des nids. Et à pas lents, ils reprirent le chemin qui menait au collet. « Une hase ! » cria Cachapré. Il fit une enjambée, se baissa vers la bête et subitement eut un haut-le-corps. On avait touché au collet. Il ne reconnaissait plus son nœud. Puis un cri. « Je suis vendu !» Au même moment, un froissement s'entendit dans les branches et trois hommes se précipitèrent, l'enlacèrent de leurs bras. C'étaient les gardes. Le traître avait disparu. D'un mouvement d'épaule, Cachapré envoya rouler Bastogne le plus âgé et, fonçant sur Bayonnet d'une force mûre, il lui cogna la tête de toutes ses forces contre un arbre. Un flot de sang jaillit, empourprant ses poings. Il fit un bond de côté, prêt à gagner le bois, mais deux mains s'abattirent à son cou, solides comme des étaux. C'était Mal Plaqué qui se pendait à lui. Le forestier était vigoureux et subtil, ayant été braconnier en son jeune temps. De ce métier, il avait conservé l'adresse, les ruses de la bataille, les coups bien portés. Cachapré bleuissait sous la pression de minute en minute plus forte de ses doigts de fer. Mal Plaqué tenait bon. Bayonnet et Bastogne arrivèrent à la rescousse, et tous trois ensemble, alors, tentèrent de le maintenir. Bayonnet lui passa une corde autour des jambes. Il rompit la corde, rua des talons dans le ventre du pauvre diable, qui, hoquetant et blé, alla s'aplatir à terre. Et presque en même temps, il fracassait le visage de Bastogne d'un coup de boxe terrible. Mal Plaqué commençait à faiblir. « Hardi ! Hardi ! » criait-il aux autres, sentant la crampe lui mordre les doigts. Bayonnet, à demi détraqué, se traîna jusqu'à Cachapré, lui jeta son poing en travers des yeux. Un étourdissement paralysa le lascar un moment. Mal Plaqué, à bout de force, hurlait à l'aide du côté de Bastogne qui s'était remis debout. Ses mains se détendaient comme un ressort usé. Il sentait, à d'irrésistibles mouvements du corps qu'il avait dompté jusqu'alors, son redressement imminent. Brusquement, Cachapré s'affala sur le sol de tout son poids, entraînant Mal Plaqué avec lui. Il y eut un pêle-mêle. Le redoutable gars se roulait avec de nerveux et puissants soubresauts, frappant de la tête comme un bélier, culbutant les gardes l'un sur l'autre, par moments étouffés sous eux, la face contre terre. Des cris haletés, mêlés au choc continu des corps rebondissants. Cette bête à trois dos se convulsait par saccades, avec des enlacements de jambes et de bras, où les formes se brouillaient, s'emmanchaient, avait l'air d'une bouillie de chair pantelante. Lui se démenait dans le tas, utilisant tous les stratagèmes. Bastogne écopa d'un coup de tête qui le mit hors de lutte. Bayonnet, les yeux crevés par deux doigts en fourchon qui lui écurait les orbites, hurla, battit l'air, et de nouveau il se trouva seul avec Mal Plaqué. Une rage le déchaîna, une roue de feu tournait dans ses moelles. Il glissa la main à sa poche, en tira son couteau qu'il ouvrit au large et plongea la lame dans les côtes du forestier. Puis se redressant, déchiré, en lambeaux, la face boueuse et sanglante, il sauta par-dessus Bayonnet et Bastogne, bondit dans le bois. Deux coups de feu pétardèrent. Mal Plaqué, haussé sur ses genoux, épaulait son fusil par un dernier effort. Le plomb siffla, persilla les feuillages, et subitement il disparut dans la mer profonde des verdures. Sauvé, mais désormais en révolte ouverte contre la loi, c'est-à-dire traqué, obligé de détaler au moindre bruit, pourchassé de tanière en tanière. Une complication surgit. Mal Plaqué traîna deux jours et mourut. Il l'apprit d'un paysan qui, la nuit, lui apportait du pain dans le bois. Tout fertile en ruse qu'il était, le bagode comprit que la position n'était plus tenable. Il aurait beau biaiser, se terrer, grimper à la cime des arbres, il finirait par être pris. Le rustre l'avait averti qu'une escouade de forestiers battait les taillis en tous sens. Les gendarmes aussi avaient été réquisitionnés. et toute cette bande enveloppait les futaies d'un vaste filet. Une chance lui restait, gagner de nuit, par étapes ou d'une fois, la forêt natale, ténébreuse, là-bas. C'était sa forêt, celle-là. Il en connaissait les moindres replis. Elle avait été mêlée à tous les instants de sa vie. Bien fin qui le pincerait, là. Dix lieues de marche étaient pour lui l'étape d'une nuit, à la condition de n'être pas inquiété. Il s'approvisionna de poudre et de plomb, passa son fusil en bandoulière et se mit en route. Il marchait à grandes enjambées, évitant les découvertes, s'abritant derrière les arbres, rampant au long des haies, quelquefois s'arrêtant quand une rumeur lui paraissait équivoque. Puis il repartait du trot alerte et souple du chevreuil, les reins ployés. Il y eut un moment critique. Des voix lui arrivaient de loin, apportées par le vent. Il stoppa, écouta. Les voix, autant qu'il pouvait en juger, étaient celles de 8 à 10 hommes marchant à sa droite. Par échappée, le bruit de cette marche s'entendait distinctement. Il se lança, prit un temps de course, ensuite écouta de nouveau. Aucun bruit, hormis le frissement des feuillages. Une lueur blanchissait les hauteurs du ciel quand il passa devant la maison de la Cougnole. Il avait faim et soif. Un besoin de sommeil aussi l'étourdissait. Il cogna à la fenêtre du côté de la cour. La vieille avait le dormir rude. Elle ne s'éveilla qu'au carillon des vitres tintant sous des doigts. « Feu de Dieu !» dit-elle. « Passez votre chemin. Il n'y a ici qu'une pauvre bribeuse qui n'a plus que le saint bon Dieu pour lui venir en aide. » Il glissa son nom à travers le trou de la serrure. Aussitôt, des pieds nus claquèrent sur le carreau et elle ouvrit. « C'est toi, m'fille ? À boire !» Il ferma la porte derrière lui, s'allongea sur le lit de la vieille. Ouf ! Il était rompu ! Il demanda des nouvelles de Germaine. Elle haussa les épaules, n'ayant rien à dire. Et lui, qui venait pour dormir, il fut pris de souvenirs aigus à la vue de cette chambre où il avait passé de si bons instants. La revoir. Une envie furieuse de palper une dernière fois sa peau chaude et grasse lui faisait oublier le sommeil. Il mit de l'argent dans la main de Cougnole. « Je suis pris si tu dis un mot. Les gardes sont après moi. Et tout de même, faut revoir Germaine. Faut, entends-tu ? Ben, prends ton bâton, trotte jusqu'à la ferme. Et que je crève après, je m'en fous. « Sûr comme il y a un bon Dieu s'il y en a un !» Il but, mangea, dormit, et ayant donné rendez-vous à la vieille près d'un fourré, il détala.